C'est quoi les sectes généralement? Les sectes, c'est quand il va y avoir un microcosme d'astralisation, de mesmérisation magnétique, dont le centre est un gourou ou une personnalité charismatique, c'est ça une secte. Mais là, que la personne, à cause de l'ambiance astrale générée autour d'elle, va devenir de plus en plus subjective, peut être récupérée par des forces d'assujettissement. Une secte, là, c'est tout le temps un individu qui est dans une subjectivité au point de polluer d'autres, puis de vampiriser leur énergie. C'est ça, une secte. Puis ça finit tout le temps mal. On le voit par quand quelqu'un vous dit, là, tu devrais pas parler à telle personne, quand il commence à vous dire quoi faire.